un Biafra culturel. Ainsi, l'écrivain communiste Louis Aragon définit-il la Tchécoslovaquie de la fin des années 60, alors que les espoirs du printemps de Prague viennent d'être écrasés sous les chenilles des chars de l'armée rouge. Un Biafra, oui, parce que si l'invasion des troupes du pacte de Varsovie n'a pas donné lieu à des actions violentes, la répression qui suit est impitoyable. La normalisation, telle qu'on l'appelle hypocritement, n'épargne aucun des acteurs du printemps de Prague. La purge est massive, féroce, durable, à tel point que les historiens estiment qu'elle n'a pas d'équivalent dans le monde communiste, à l'exception peut-être de la révolution culturelle chinoise. Le pays est assommé pour de longues années. Et même les réformes entreprises en URSS par Gorbatchev resteront longtemps sans écho dans la société tchécoslovaque, verrouillée par un parti communiste archaïque, débarrassé de ses éléments les plus novateurs. Dubček, par exemple, le héros de 1968, est devenu un modeste jardinier de sa ville natale, Bratislava. Quant aux intellectuels qui essaient de relever la tête, ils connaissent la prison ou sont astreints à exercer des métiers manuels. Et beaucoup d'entre eux choisiront l'exil. Pourtant, après la chute du mur de Berlin, le régime s'écroulera de façon surprenante en seulement quelques jours et pratiquement sans effusion de sang. C'est ce qu'on a nommé la révolution de velours, une très curieuse révolution qui n'était peut-être pas aussi spontanée qu'il y paraissait. Monsieur X en dévoile les secrets. Une anecdote pour commencer, si vous voulez bien. Une histoire telle qu'on aimait à les raconter sous le manteau dans les anciennes démocraties populaires pour railler le système. La scène donc se passe à Prague, sur la célèbre place Venceslas. Un homme vomit dans une fontaine. Un passant s'approche alors de lui et dit « Comme je vous comprends, monsieur ». C'est dire à quel point la normalisation entreprise par les autorités après la fin du printemps de Prague a dégoûté et surtout démoralisé la population tchécoslovaque. Oui, ce qui explique alors sa longue apathie. Et la peur suscitée par l'état policier, oui. Les citoyens, et ils n'ont pas tort, ont l'impression qu'il y a des mouchards partout. Et on s'apercevra après la révolution de velours et l'ouverture des archives de la police secrète, le STB, qu'il existait en effet des dizaines de milliers de délateurs. Un dissident qui occupe aujourd'hui un poste officiel découvrira même qu'une femme avec laquelle il a vécu de longues années était chargée par la police de l'espionner. Espionnage joli alors. Mais ces mouchards là, collaboraient-ils volontiers avec le SDB? La plupart du temps non. Ils étaient souvent contraints et de peur de connaître la prison, ils finissaient par céder. Un mot encore sur cette répression. On estime que plus d'un demi-million de Tchécoslovaques ont été victimes des purges. C'est pourquoi des intellectuels tels que Milan Kundera ou Milos Forman ont préféré fuir leur pays pour échapper à la censure. Mais Václav Havel, le futur président, lui, a choisi de rester. Oui, et de résister à l'intérieur, c'est vrai. Et ça le vaudra d'être jeté en prison à plusieurs reprises. Nous allons en reparler, si vous voulez bien. Il faut aussi souligner que si le pays a mis tant d'années avant de se réveiller, alors même que dans les autres démocraties populaires, en Pologne par exemple, ça a commencé à bouger plus tôt. C'est que le parti communiste était particulièrement fossilisé. Il était fossilisé, quoi, à cause des purges? Naturellement. Les éléments les plus réformistes, ceux qui avaient été à l'origine du printemps de Prague, avaient été éliminés. Il ne restait que les plus staliniens. Les crocodiles, quoi. Mais des dirigeants qui n'entendaient surtout rien changer. Pour sauver leur place. Bien entendu. Ouais. Car le moindre écart pouvait dégénérer. Et paradoxalement, le parti communiste qui avait soulevé l'espoir de l'édification d'un socialisme à visage humain était devenu l'un des plus orthodoxes. C'est-à-dire le plus conservateur. Oui, une spécificité qu'il partageait d'ailleurs avec le PC français qui s'était empressé d'oublier l'éclaircie du règne de Valdecrochet. Enfin, passons. Toutefois, malgré cette chape de plomb qui s'était abattue sur la Tchécoslovaquie, des dissidents ont commencé à renacler dès 1977. Ah oui, c'est la charte de 1977. En effet, oui. Ce sont des intellectuels qui lancent ce mouvement, qui plaident essentiellement pour le respect des droits de l'homme et l'application des conclusions de la conférence d'Helsinki. Sur la libre circulation des hommes et des idées. Oui, une convention ratifiée d'ailleurs par le Parlement tchécoslovaque, ce qui donne des arguments à ces dissidents. Et qui sont alors ces intellectuels à l'initiative de la création de la charte 1977? Oh, ils viennent de tous les horizons. Il se trouve d'anciens communistes exclus du parti, des catholiques, des trotskistes, et aussi des gens qui n'ont aucune attache politique particulière. De simples opposants qui ne supportent plus l'oppression, la censure et les brimades. Et alors, donc parmi eux, Vaclav Havel, hein? Oui, Havel qui est alors un écrivain et dramaturge dont les œuvres sont systématiquement interdites en Tchécoslovaquie. Mais parce qu'il est un opposant reconnu. Le futur président a en effet pris position sans ambiguïté contre la normalisation imposée par Moscou. Après le printemps de Prague. Et dès 1969, on lui confisque son passeport et ses livres sont retirés des bibliothèques publiques et des établissements scolaires. Oui, c'est une sorte de mise à l'index, quoi. Alors que ses œuvres et ses textes sont joués et publiés avec succès à l'Ouest. Et en 1977, après la création de la Charte 77, le pouvoir s'en prend encore plus énergiquement avec Vaclav Havel, devenu le porte-parole de ce mouvement d'opposition. Interrogatoires, perquisitions, calomnies, détentions préventives, le dramaturge est accusé de subversion. Il ne cessera plus d'être harcelé par la police et sera emprisonné à de nombreuses reprises. Autre point là, alors. Au fond, que représente exactement cette charte 77 ? Eh bien, en nombre de participants, il faut le dire, pas grand-chose. Quelques centaines de membres, un millier au bout d'un an. Mais en termes d'influence, c'est différent. Et bien entendu, la répression qui frappe les signataires ne fait que renforcer le mouvement et accroître sa popularité parmi les milieux intellectuels. Un événement surtout frappe les consciences. En mars 1977, un grand philosophe, Jan Patočka, est arrêté et interrogé sans ménagement. Victime d'une crise cardiaque, il décède ensuite à l'hôpital d'une hémorragie cérébrale. Mais est-ce que ce drame incite le pouvoir à changer d'attitude? Oh bah pas du tout, bien au contraire. Les autorités rédigent même une anti-charte. C'est-à-dire un texte dans lequel les rédacteurs affirment leur solidarité avec le parti et condamnent les éléments subversifs. Et bien sûr, les Tchécoslovaques sont fermement invités à poser leur signature sur cette anti-charte. Ouais, mais j'imagine que personne n'est dupe, non? Ah, évidemment. Mmh. Toutefois, la population ne mange pas. Mmh. Et pourquoi cette étrange passivité, quand même? Fondamentalement, je crois que les Tchécoslovaques sont là. Le printemps de Prague avait soulevé un immense espoir, mais c'est fini. Et peu enclin à la violence, bien, ils se sont résignés. Et puis il y a la répression. Alors, en dehors de cette poignée d'intellectuels et de beaucoup d'étudiants, toujours promptes à manifester, la plus grande partie de la population supporte en silence. Mais n'en pense pas moins. Oh, bah, c'est évident. Cependant, alors, lorsque chez le grand frère soviétique, comme on disait, Gorbatchev commence à réformer, est-ce que ça ne donne pas des idées aux Tchécoslovaques? Forcément, mais il ne bouge pas pour autant. D'autant que lorsque Gorbatchev annonce sa venue en Tchécoslovaquie en 87, les citoyens se remettent à espérer. Mais la déception est à la mesure de cet espoir. À Prague, les dirigeants du parti campent sur leur position et n'entendent pas appliquer chez eux la glasnost et la perestroïka. Et pourtant, je le pense, moi. Gorbatchev a dû le leur demander. Ah, pas, je suis certain. Gorbi est bien placé pour savoir que si le système ne se réforme pas, il est condamné. Mais à Prague, le numéro 1 soviétique n'est pas écouté. Et un peu plus tard, l'hebdomadaire officiel du parti se paiera même le luxe de critiquer les réformes de Gorbatchev. Des réformes qui pourraient à terme conduire à la trahison de la cause ouvrière. Quant aux laudateurs occidentaux de Gorbatchev, selon ce journal, toujours, ils ne cherchent qu'à déstabiliser et éradiquer le socialisme. C'est quand même l'expression d'une divergence sérieuse, hein? Absolument. Par contre, une autre visite a des conséquences heureuses. Laquelle? Celle de François Mitterrand. À l'occasion d'un voyage officiel en Tchécoslovaquie, le président français invite ostensiblement les dissidents de la Charte 77 à l'ambassade de France. Le geste est important. Et ça doit mécontenter les autorités de Prague. Ah bah bien sûr. Oui. Ouais. Et quoi qu'il en soit, la rencontre des dissidents avec Mitterrand, rencontre qui sera ensuite imitée par d'autres chefs d'État occidentaux, contraint le pouvoir à autoriser pour la première fois depuis le printemps de Prague une manifestation de l'opposition. Manifestation au cours de laquelle Vaclav Havel prend la parole. Mais cette relative mansuétude ne va pas durer. Dès le mois de janvier 89, le pouvoir renoue avec ses vieilles habitudes. Une nouvelle manifestation réprimée, c'est ça? Oui, l'opposition a alors décidé une semaine de manifestation pour commémorer le suicide de Jan Palach. Ouais. Cet étudiant, il faut le rappeler, hein, qui s'est immolé par le feu Après le printemps de Prague. En janvier 69. Mmh. Un suicide à la manière des bons Vietnamiens afin de protester contre l'occupation soviétique. Et depuis, Palach est devenu une figure symbolique de l'opposition. Et 20 ans après, les dissidents veulent donc honorer sa mémoire. Mais dès le premier jour, la police intervient. Quelques dizaines de manifestants sont arrêtés, dont Václav Havel. Havel qui va être condamné à plusieurs mois de prison et ne sera mis en liberté conditionnelle qu'au mois de mai. En même temps, il faut le noter, des rumeurs d'attentats circulent en Tchécoslovaquie. Et c'est sérieux, hein? Non, c'est la police secrète, le STB, qui répand ces rumeurs à seule fin de braquer la population contre les opposants. Ouais, c'est ça, il s'agit d'une classique manœuvre de désinformation. Mais qui ne convainc guère les Tchécoslovaques. Et encore une fois, c'est du milieu intellectuel que vient la contestation. Essentiellement à cause du procès et de l'emprisonnement de Václav Havel. Au mois de mai, une pétition d'artistes et d'écrivains réclame sa libération. Et aussi, en même temps, celle des autres dissidents. Résultat, de nouvelles arrestations. Mais Havel, qui a purgé la moitié de sa peine, est libéré. Et il sort de prison en vainqueur. Désormais, le mouvement est lancé. Au début de 1989, à la suite de la répression de la manifestation destinée à commémorer le suicide de Jan Palach et de l'arrestation de Václav Havel, il se produit en Tchécoslovaquie une véritable prise de conscience dans la majorité dite silencieuse. En témoigne un homme, un cinéaste, Jiří Menzel, qui, jusque-là, n'a jamais contesté publiquement le pouvoir et a même refusé de signer la charte 77. Je le cite. Les événements de janvier ont été un choc pour tout le monde. Dans notre histoire, il n'y a pas eu de plus grande honte que ce mois de janvier, même en 1968. En 1968, ce n'est pas notre gouvernement qui agit, c'était une intervention étrangère. Voyez-vous, je ne peux plus supporter de vivre confortablement quand quelqu'un, qui est plus honnête que moi, doit payer en prison. Havel n'agit pas contre l'État. C'est un type plus progressiste, plus utile à notre République que tous ceux qui, en leur fort intérieur, sont contre le régime, mais acceptent et exploitent la situation. Havel, lui, sait exprimer ses opinions et en supporter les conséquences. Pourquoi me faire meilleur que je ne suis, moi? Je me suis laissé décourager. Je suis opportuniste, je n'aime pas les conflits. C'est en cela qu'il est plus honnête que moi. Dès cette époque, c'est-à-dire au cours du premier semestre 1989, ça commence à bouger en Europe de l'Est. Mmh. Signe important, alors que Václav Havel est encore en prison, le premier ministre polonais, Rakowski, assiste à Varsovie à la représentation d'une pièce d'une dramaturge. Mmh. Ça, c'est un véritable affront pour Prague. Hein. À l'évidence. Et en Hongrie, les autorités communistes autorisent une manifestation en faveur de Václav Havel, tandis qu'à Moscou, des intellectuels lancent un appel pour sa libération. Mais à Prague, on reste aussi inflexible? Oui, après avoir brièvement soufflé le chaud en libérant Havel, les dirigeants communistes soufflent à nouveau le froid. Au mois d'août, quelques semaines après le massacre de Tiananmen, la presse officielle laisse entendre que le gouvernement pourrait bien s'inspirer des Chinois pour mater les dissidents. Est-ce que c'est une menace prise au sérieux? En effet. Havel, qui sera d'ailleurs critiqué par certains de ses amis, appelle les Tchécoslovaques à demeurer calmes. Pourquoi? Parce qu'il craint une provocation? Et une provocation qui déboucherait sur une répression féroce. Mais en même temps, d'autres signes viennent des pays frères. Un peu partout, sauf à Prague, bien sûr. Des dirigeants communistes procèdent à une véritable autocritique à propos de l'intervention des troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie en 1968. Même à Moscou? Oui. Et d'ailleurs, si vous voulez mon avis, c'est le Kremlin qui donne le là. Et qui orchestre cette campagne d'autocritique? Certainement. Et cela au moment où arrive le 21 août, c'est-à-dire le 21e anniversaire de la répression du printemps de Prague. Un anniversaire que les autorités tchécoslovaques redoutent particulièrement. Dès l'aube, la capitale tchèque est en état de siège. Et déjà, les principaux dissidents privés de téléphone sont assignés à résidence ou même invités à aller à la campagne. Mais ça n'empêche pas quelques jeunes auxquels se mêlent des Hongrois et des Polonais de se rendre place Venceslas pour manifester leur hostilité au régime. Mmh. Réaction du pouvoir? Elle est sans surprise, c'est la matraque. Quelques centaines de jeunes gens sont arrêtés. Certes, on n'a pas assisté à une démonstration de masse, mais la preuve est faite que les menaces ont été impuissantes à juguler la contestation. Une parenthèse ici. Les dissidents tchécoslovaques utilisent très habilement les anniversaires pour manifester leur mécontentement. Et le prochain qui se présente, bah, c'est le 28 octobre, c'est-à-dire le 71e anniversaire de la proclamation de la République. Mais auparavant, un autre événement a troublé les Tchécoslovaques. C'est-à-dire, là ? Bah, l'exode des Allemands de l'Est. Des femmes et des hommes qui fuient le régime communiste et entendent passer par la Tchécoslovaquie pour rejoindre la République fédérale. L'Allemagne. Ouais. Le spectacle de ces Allemands de l'Est refoulés par les miliciens à coups de matraque, alors qu'ils s'agglutinent autour de l'ambassade de la RFA, heurte les Tchécoslovaques. Et finalement, vous le savez, les autorités débordées finiront par accepter que ces Allemands traversent le rideau de fer. Et pour Prague, c'est une reculade. Ah, incontestablement, ça commence à craquer. Donc, pour les dissidents, cet anniversaire de la proclamation de la République, eh bien, sera un nouveau test. Une fois encore, les autorités prennent un luxe de précaution et des dissidents sont préalablement incarcérés. Mais malgré tout, des Pragois descendent dans la rue. C'est le scénario du 21 août qui se reproduit. D'accord, ils ne sont pas très nombreux. Toutefois, ils ont osé défier le pouvoir. Ils se préparent déjà pour le prochain anniversaire. Ah oui, et de quoi s'agit-il cette fois-là ? De la commémoration de la mort d'un étudiant tué en novembre 1939 par les nazis parce qu'il manifestait contre l'occupant. Donc ça fait tout juste 50 ans. Et la date est particulièrement symbolique. Oui. Il faut souligner que la mort de cet étudiant fait l'objet, chaque année, d'une commémoration officielle. Oui, par le pouvoir, donc. Et il est difficile d'interdire aux gens de participer à cette commémoration officielle. Évidemment. Et la manifestation est autorisée. Mais les dissidents comptent bien lui donner un autre sens. Des dissidents qui ne vont pas se priver de faire un parallèle entre l'occupation nazie et l'occupation communiste. Et le 17 novembre, de nombreux étudiants et lycéens sont prêts à descendre dans la rue. Mais il faut tout de suite noter des faits très curieux. C'est Dubček qui voulait participer. L'homme du printemps de Prague. C'est ça, oui. Qui voulait donc participer à la manifestation a été discrètement reconduit à Bratislava. Les autorités font preuve d'étrange négligence. Mais quand vous dites... étrange négligence, là. Est-ce que vous voulez dire qu'elle ne devait rien au hasard ? C'est ce que je pense, bien sûr, parce qu'il faut tenir compte du contexte. Quelques jours auparavant, le mur de Berlin est tombé. Un véritable séisme pour le monde communiste. Les dirigeants tchécoslovaques auraient donc dû être très vigilants. Ouais, ça se comprend, ça. Or, ce 17 novembre, les principaux hiérarques du pays sont partis tranquillement à la campagne. Ainsi, le ministre de l'Intérieur, mais aussi le chef du Parti communiste, Miloš Jakeš. Seul reste à Prague le vice-ministre de l'Intérieur, le responsable du parti dans la capitale et surtout le chef du STB, la police secrète, le général Alois Lorenk. Mmh. Alors, ben, vous avez peut-être une explication ? Un petit peu de patience, ah, oui. Mon cher. Voyons d'abord les faits. Jusqu'à 17 heures, la manifestation est bon enfant. Mais soudain, des slogans politiques fusent. De quelle nature ? Oh, ben, ils sont essentiellement hostiles au pouvoir communiste. Les manifestants réclament aussi la tenue d'élections libres. Une réaction de la police, hein ? Pour l'instant, ils laissent faire. Et là encore, c'est étrange. Pourquoi ? Parce que tout se passe comme si ces responsables avaient reçu l'ordre de ne pas intervenir. Au moins dans un premier temps. Alors, qu'elle fera preuve plus tard d'une violence inouïe. Autre chose bizarre. Les manifestants sont autorisés à gagner la place Venceslas, au lieu de la contestation. Or, les policiers auraient très bien pu s'y opposer. Et vous pensez que derrière, il y a une volonté, là ? Bien entendu. Mmh. En tout cas, tout au long de son parcours, la manifestation reçoit de nombreux renforts. Des passants, des voyageurs installés dans les trams. C'est un incontestable succès. Et lorsque le défilé atteint la place Venceslas, ils sont au moins 50 000. Et toujours pas de réaction des forces de l'ordre ? Non. Et quand le chef du parti pour Prague s'inquiète et téléphone au général Lorenk, le chef de la police secrète le rassure. D'ailleurs, il a mieux à faire que de s'occuper de la manifestation, car il doit dîner avec le général Khrouchko, un soviétique qui est le numéro 2 du KGB. Tiens donc. Oui, ça aussi, ça n'est pas innocent. Mais poursuivons. En ce début de soirée, les manifestants applaudis de toutes parts peuvent estimer avoir gagné. Ouais. Et Vaclav Havel, se trouve-t-il aussi dans le cortège ? Non, lui aussi se trouve à la campagne. Ah, encore un de ces faits bizarres, hein ? Non, Havel, qui jouit d'une santé fragile que ses séjours en prison n'ont pas dû arranger, est parti se reposer. Mais on peut aussi penser que le porte-parole de la charte 77 a sans doute sous-estimé l'importance de la mobilisation. Hmm. Enfin, quoi qu'il en soit, il ne tardera pas à revenir très vite à Prague. Cependant, revenons peut-être à la manifestation. Oui. Donc, enivrés par leur succès, les contestataires n'ont pas remarqué les manœuvres d'encerclement de la police, ni même la présence de bérets rouges parmi les forces de l'ordre. Elle est des paras. Oui. Et soudain, vers 20h30, après deux sommations, la police charge. Les bérets rouges en particulier se déchaînent. Les manifestants sont frappés sans ménagement, roués de coups, piétinés. Des journalistes occidentaux sont eux aussi pris à partie. Et on relèvera plus de 500 blessés, dont des enfants. Mais brusquement, la rumeur enfle. Un manifestant aurait été tué. Un certain Martin Smith. Mm-hmm. Ah, une rumeur ou une réalité? Une réalité, si l'on en croit certains manifestants qui ont vu un homme inanimé emmené sur une civière. Et bientôt, la propre petite amie de cet homme va témoigner. Elle a vu Martin, roué de coups, le visage en sang. Martin qui ne s'est pas relevé, qui est vraisemblablement mort. Il n'y a donc plus guère de doute. Le sang a vraiment coulé. Et les conséquences vont être considérables. Nous allons bien sûr revenir avec M. X sur l'histoire de ce Martin Smith. Auparavant, revenons sur l'évolution des esprits avant la révolution de velours. Même les contestataires les plus déterminés, comme Václav Havel et les dirigeants de la Charte 77, sont prudents. Et en cette année 1989, n'envisagent pas un changement rapide. L'historien et journaliste François Feydeau mentionne ainsi une interview de Václav Havel à Radio Free Europe. Havel estimait que le processus de réforme dans son pays serait beaucoup plus lent et compliqué que par exemple en Hongrie, vu que les épurations pratiquées au sein du PC après la défaite du printemps de Prague n'ont laissé en position d'influence que très peu d'esprits raisonnables et réformistes. « Je suis convaincu, dit Havel, que le système communiste totalitaire est en crise. Ce que nous percevons, ce sont les symptômes de la naissance d'un nouveau système plus démocratique. Je ne sais pas quel type de système ce sera. En tout cas, il n'y aura pas de retour au passé. Mais, selon toute apparence, ce sera différent d'une démocratie parlementaire normale. La Tchécoslovaquie, ajoutait-il, sera le lieu où le monde communiste devra démontrer s'il est réformable. On voit donc que 5 mois, à peine avant l'effondrement du système, Václav Havel n'était toujours pas très loin, pour employer un terme courant du vocabulaire politique italien, de l'améliorationnisme de 1968. Le livre de Feydeau, La fin des démocraties populaires, a été publié au Seuil. Arrêtons-nous un instant sur la mort de ce Martin Smith qui a forcément déclenché une énorme émotion dans tout le pays, et particulièrement chez les dissidents. Mais un mot d'abord. Martin Smith, c'est à peu près l'équivalent en France de Jean Dupont. Ouais, d'ailleurs, un prénom et un patronyme très répandu. Deuxième point, le témoignage de la petite amie, une certaine Draumil Draska. Après la manifestation, cette jeune femme est allée directement trouver des dissidents très proches de Václav Havel, en particulier un journaliste qui a créé une agence de presse indépendante. Ça me paraît assez logique, hein, si elle veut que l'information soit rendue publique, enfin, en dehors de la presse officielle. Enfin, ce qui l'est beaucoup moins, c'est son attitude. Elle refuse, par exemple, de fournir les coordonnées des parents de son ami. Ah, oui, effectivement, pour quelle raison? Elle affirme qu'elle a promis de préserver leur intimité. Bon, c'est déjà plus étrange. Je vais y revenir. Mais auparavant, voyons les conséquences immédiates de l'annonce de la mort de Martin Smith. La colère est immense. Dévastatrice dans ce pays où la violence est quasi inconnue. Alors justement, ces conséquences-là. Dès le 19 novembre, 2 jours après la manifestation, toutes les organisations dissidentes se rassemblent et créent un forum civique avec Václav Havel comme leader. Et aussitôt, ce jour-là, qui est un dimanche, des milliers, des dizaines de milliers de Tchécoslovaques descendent spontanément dans la rue. On voit même des gens déposer des bougies sur les trottoirs. Des bougies en mémoire de ce Martin Smith. Bien sûr. Et les forces de l'ordre, alors? Elles semblent incapables de réagir, alors même que dans la rue, les policiers se font traiter d'assassins. Alors, les autorités publient en toute hâte un communiqué selon lequel il n'y a pas eu de mort. Un communiqué qui est relayé par haut-parleurs dans les rues de la capitale. Oui, mais j'imagine que personne n'accorde foi à ce communiqué. Oh, c'est évident, tant les Pragois semblent habitués aux mensonges du pouvoir. Et pourtant, pour une fois, le pouvoir a raison. Il n'y a jamais eu de mort. Jamais, alors, Martin Smith, là... Il n'a jamais existé. C'est un lieutenant du STB, la police secrète, qui a joué son rôle. Le mort sur la civière. Exactement. Et le témoignage de cette, Draumil, c'est une ça? Une pure fiction. D'ailleurs, bientôt, on va en savoir un peu plus sur cette jeune femme. C'est une informatrice de la police secrète qui la tient et la manipule parce qu'elle est toxicomane. Alors, résumons, l'affaire a été entièrement montée par le STB. Pourquoi? C'était quand même joué contre son camp, non? Quel camp? C'est là toute la question. Mais la police secrète aurait donc cherché à embarrasser le pouvoir en inventant cette histoire? Et non seulement cherché, mais réussi. Et peut-être même un peu trop bien réussi. Mais Je vous promets de satisfaire votre curiosité tout de suite après l'énoncé des faits. Car malgré les dénégations des autorités, les Tchécoslovaques n'entendent pas en rester là. Ils sont désormais maîtres de la rue et le pouvoir est peu à peu condamné à l'impuissance. Le point d'orgue, si je puis dire, c'est le 24 novembre. Et alors, que se passe-t-il ce jour-là là ? Ah, une véritable marée humaine envahit la place Venceslas. Et soudain, au balcon du journal socialiste, Svobodin Slovo, rallié à l'opposition, un homme apparaît. Alexandre Dubček. Curieusement, l'homme semble ne pas avoir changé depuis les journées dramatiques de l'été 68. Toujours vêtu aussi modestement, l'air grave. Un peu compassé. Oui, oui. Ouais. Mais d'un seul coup, son visage s'éclaire lorsqu'il découvre la foule au-dessous de lui. Et il dit à peu près ceci. « Je suis heureux et je vous aime. » Et il est follement applaudi. Puis Václav Havel le rejoint sur le balcon et les Pragois célèbrent leurs deux héros. Ouais, c'est un grand moment d'émotion, hein, mais... Ouais. Mais est-ce que les deux hommes sont sur la même ligne ? Ben non. Non, on va en avoir la preuve un peu plus tard, au cours de cette même journée, lorsque, toujours ensemble, ils donnent une conférence de presse au QG de la Révolution. Un théâtre qui porte le joli nom de Lanterne Magique. C'est joli, en effet. Alors, qu'est-ce qui les différencie ? Dubček est resté l'homme du printemps de Prague. Le dirigeant communiste qui voulait humaniser le socialisme. Il pense toujours qu'on peut améliorer le communisme. Et il regarde clairement en direction de Gorbatchev. Ouais, mais c'est trop tard, non ? En effet. Et c'est ce que Václav Havel exprime sans ambiguïté. Pour lui, le système communiste a vécu l'avenir, c'est l'Europe et l'économie de marché. Ouais, bref, Dubček est dépassé. Pour autant, est-ce qu'il y a rupture politique entre les deux hommes ? Pas vraiment. Et un peu plus tard, Dubček sera même élu président de la Diète. Ouais, mais il mourra prématurément dans un accident de voiture, je crois. Hein. C'est ça. Ouais. En tout cas, le soir même, la télévision annonce la démission en bloc du politburo du PC. C'est la fin du régime communiste ? Ah, pas encore, non. Les communistes s'accrochent. De nouveaux dirigeants sont élus. Mais la pression de la rue ne faiblit pas, bien au contraire. Et le régime s'effiloche. Les communistes ont beau accorder de plus en plus de concessions à l'opposition, il est évident qu'ils ne pourront plus reprendre la main. Au début du mois de décembre, un gouvernement à majorité non communiste est constitué et annonce aussitôt la tenue d'élections libres, tandis que le président de la République, Gustave Husák, démissionne. Husák, l'homme qui a incarné la fin du printemps de Prague. Oui, oui, le symbole est donc fort. Et à la fin de ce même mois, Václav Havel le remplace à la tête de l'État. C'est donc la fin de ce qu'on a appelé la révolution de velours. Oui, même si le pays n'en a pas fini avec son passé communiste. Car il lui faudra aussi épurer. Et comme dans toutes les autres démocraties populaires, ça n'ira pas sans provoquer de nombreuses difficultés et de douloureux problèmes humains. Par exemple ? Suffisait-il d'avoir son nom dans les fichiers de la police secrète pour être considéré comme un mouchard ? Non. Certains citoyens y figuraient sans le savoir. Et puis il y aura aussi la scission de la Tchécoslovaquie. Une partition voulue par les nouveaux dirigeants, à l'exception notable de Václav Havel. Une partition, mais qui n'a guère enthousiasmé les populations. Alors, bon, on arrive à la fin. Il est peut-être temps de dissiper tous ces mystères que vous avez entretenus. Vous l'avez compris, cette révolution de velours n'était pas aussi spontanée qu'il y paraît. En fait, une nouvelle fois, l'initiative est partie de Moscou. Alors que dans les autres démocraties populaires, Perestroïka et Glasnost produisaient leurs effets, la Tchécoslovaquie restait à la traîne. Pire même, les dirigeants communistes s'arc-boutaient pour rester au pouvoir. Ils refusaient toute démocratisation. Et pour Gorbatchev, c'était inacceptable. Sans exagérer, c'était pour lui une question de vie ou de mort. Car sans évolution, le pays était condamné un jour ou l'autre à connaître une révolution brutale qui l'aurait précipité dans le camp occidental. Alors oui, il fallait accompagner le mouvement pour continuer à tirer les ficelles. Exactement. Et le Kremlin a pris contact dès la fin de l'année 1988 avec des membres réformateurs du Parti communiste tchèque. Mais pas seulement, il y avait aussi des dissidents qui, ayant participé au printemps de Prague, ont été eux aussi sollicités. Et c'est ainsi qu'a été élaboré le scénario qui devait aboutir au départ des dirigeants staliniens du pouvoir. Sur ce point, au moins, ça a été réussi. Ah ben ça, c'est exact, oui. Mais à Moscou, on n'imaginait certainement pas que les choses iraient aussi loin. En fait, Gorbatchev et les siens espéraient rééditer l'expérience du printemps de Prague. Et dans cet esprit, ils misaient sur un ex-compagnon de Dubček, le professeur Zdeněk Mlynář, un homme qui avait été l'idéologue du printemps de Prague et avait trouvé refuge en Autriche où il donnait des cours. Mais auparavant, il fallait provoquer un choc dans l'opinion publique. Alors, c'est la répression violente et le faux mort de la manifestation du 17 novembre ? C'est ça. Rappelez-vous que ce soir-là, le général Loring, chef du STB, qui est en charge de la sécurité publique, dîne avec Rutschko, le numéro 2 du KGB. Loring, qui a mis au point la manipulation du faux mort. Ouais. Et puis il y avait aussi l'absence de tous ces dirigeants partis à la campagne. Hein. Et il ne fait nul doute qu'on avait dû trouver des moyens convaincants pour les éloigner de la capitale. Seulement, les comploteurs ont été dépassés par l'ampleur du mouvement de protestation qui a suivi. La colère de la population. Oui. Ouais. Et lorsque les réformateurs ont essayé de reprendre les choses en main, ben, il était trop tard. Et ce Mlynar, là, ben, il est bien arrivé à Prague. L'ambassade tchécoslovaque en Autriche a même mis une voiture à sa disposition afin qu'il rejoigne son pays au plus vite. Mais encore une fois, les jeux étaient faits. Ouais. Alors, ça veut dire qu'à Moscou, si je vous entends bien, on a donc sous-estimé la vigueur de l'opposition. Et cette fiction du faux mort a capoté. En quelque sorte, c'était trop. Ah bah, incontestablement. Mais notez-le bien, la même manœuvre a pourtant réussi en Roumanie. Ah oui, les prétendus morts, là, de Timișoara. Et la liquidation du couple Ceausescu. Là-bas, ce sont effectivement des communistes qui ont pris le pouvoir. Le scénario gorbatchevien a parfaitement fonctionné. Et s'il n'en a pas été de même en Tchécoslovaquie, c'est sans doute qu'au Kremlin, on connaissait bien mal le pays, qui avait derrière lui une longue tradition démocratique. Le 1er janvier 1990, le nouveau président de la République, Václav Havel, présente ses vœux à ses compatriotes. Son ton est grave, et c'est une véritable mise en garde qu'il adresse aux Tchécoslovaques. En voici un extrait. Il ne serait pas raisonnable de considérer le triste héritage des dernières 40 années comme quelque chose d'étranger légué par un parent lointain. Nous devons au contraire accepter cet héritage comme quelque chose que nous avons nous-mêmes commis contre nous. Si nous le prenons ainsi, nous comprendrons qu'il dépend de nous tous d'en faire quelque chose. Nous ne pouvons pas faire porter la responsabilité de tout cela sur les gouvernants précédents, non seulement parce que cela ne répondrait pas à la vérité, mais encore parce que cela affaiblirait le devoir qui se pose aujourd'hui à chacun de nous, le devoir d'agir indépendamment, librement, raisonnablement et vite. Détrompons-nous, le meilleur gouvernement, le meilleur parlement et le meilleur président ne peuvent pas à eux seuls faire grand-chose. Et ce serait très injuste d'attendre la solution d'eux seulement. La liberté et la démocratie, cela signifie la participation et la responsabilité de tous.